Section 23 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5, deuxième partie, apogée de la juridiction ecclésiastique, par Émile Chénon. Les officialités, origine et organisation. Dans le cours des temps, l'Église a exercé deux sortes de juridictions. L'une spirituelle, l'autre temporelle, qu'il importe de ne pas confondre. La juridiction spirituelle, qui se rapporte aux questions purement religieuses, appartient nécessairement à l'Église et ne peut appartenir qu'à elle. Est a clavibus, disent les canonistes. La juridiction temporelle, au contraire, n'appartient pas nécessairement à l'Église. Elle appartient au pouvoir séculier, qui peut la déléguer à l'Église dans une mesure plus ou moins large, non est a clavibus, est a gladio. C'est sous le règne de Constantin, et en vertu d'édits rendus par lui, que les évêques commencèrent à participer à l'administration de la justice publique. On peut dire qu'à la mort de Constantin, la juridiction temporelle ecclésiastique existait en germe. Elle se développa en Orient sous Justinien, en Espagne, sous les rois wisigoths-catholiques, en Gaule et en Germanie, sous les princes francs, s'étendit aux matières criminelles comme aux matières civiles, et atteignit son apogée à la fin du XIIe siècle. À cette époque, elle appartenait non plus seulement aux évêques comme à l'origine, mais encore à d'autres dignitaires ou corps ecclésiastiques, tels que les archidiacres, les archiprêtres, les chapitres, les abbés des monastères. Mais si en droit la distinction des deux juridictions est capitale, en fait elle était peu sensible, parce que les clercs investis des deux juridictions les faisaient exercer par les mêmes délégués qui se trouvaient ainsi compétents à la fois au point de vue spirituel et au point de vue temporel. Le maximum de compétences appartenait à l'évêque. C'est donc de la juridiction épiscopale qu'il convient de s'occuper principalement. Voyons d'abord comment elle était organisée. Nous verrons ensuite quelle était sa compétence. L'évêque, à l'origine, avait exercé en personne sa juridiction, d'abord limitée. Mais, sa compétence étant accrue et le nombre des affaires qui lui étaient soumises ayant augmenté, il s'était fait aider et souvent remplacé par l'archidiacre. Le jour où celui-ci eut conquis une juridiction propre et commencé contre l'évêque la lutte dont il a été question plus haut, l'évêque dut recourir à des auxiliaires plus maniables, les vicaires généraux et les officiaux. Les vicaires généraux l'aidaient surtout dans l'administration du diocèse. Les officiaux, au contraire, devinrent, à la fin du XIIe siècle, ses délégués spéciaux pour l'exercice de sa juridiction. En Bretagne, on donnait à ces officiaux le nom d'allocati ou alloué, expression fort exacte, car l'official n'était bien réellement qu'un lieutenant. Il n'était pas, comme l'archidiacre, inamovible, et n'avait en somme qu'une capacité d'emprunt. L'évêque le nommait et le révoquait à son gré, déterminait ses pouvoirs, et pouvait toujours, s'il le désirait, juger à sa place. Quand l'évêque mourait, se démettait ou était déposé, les pouvoirs de l'official cessaient ipso facto, par l'application de la règle bien connue « resoluto iure dantis, resolutur ius accipientis ». Les évêques n'eurent d'abord qu'un seul official, auquel ils déléguaient toute la compétence qu'ils possédaient eux-mêmes. Par la suite, ils créèrent souvent des officiaux forains, ordinairement ambulants, officiales curantes, et dont la compétence était restreinte à une partie du diocèse ou à certaines causes. Seul l'official qui résidait dans la cité épiscopale, officialis principalis, et qui était le continuateur de l'ancien official unique, conserva une compétence générale s'étendant à la fois à tout le diocèse et à toutes les causes. L'official jugeait seul, mais il ne siégeait pas seul. Il avait à côté de lui un suppléant, Wickes Gerrans, et des assesseurs ayant voix consultative. De plus, il était aidé dans ses fonctions par un garde du sceau épiscopal, Sigiliator, un receveur des actes, Receptor Actorum, et un greffier chargé de tenir les registres des causes, Registrator. Tout ce personnel constituait ce qu'on appelait alors les cours d'église ou cours de chrétienté, Curiae Christianitatis, ce qu'on appela plus tard les officialités. Pour accomplir au nom des parties les actes de procédure, on trouvait encore auprès des officialités des procureurs, des avocats et des notaires, sans compter différents agents d'exécution et quelques auxiliaires subalternes. Les officialités nous apparaissent, dès le XIIIe siècle, comme pourvues de leurs divers organes. Il n'y manque plus que le promoteur, qui sera chargé au siècle suivant de jouer auprès des cours d'église le rôle que jouait alors le ministère public auprès des cours séculières. Compétence des officialités épiscopales. Quelle était maintenant la compétence de ces officialités dont nous venons de voir l'organisation? Cette compétence, pleinement développée au XIIIe siècle, était double. Elle s'étendait en effet à certaines personnes et à certaines matières. En d'autres termes, les officialités pouvaient être compétentes soit ratione personae, soit ratione materiae. Certaines personnes, d'abord, jouissaient du privilège d'être justiciables des cours d'église seulement, pour tous leurs procès, civils ou criminels, à la seule exception des procès roulant sur des matières féodales. Pour ces dernières, la compétence ratione materiae du seigneur justicier primait la compétence ratione personae de l'officialité. Les personnes qui jouissaient du privilège du fort ecclésiastique étaient en premier lieu les clercs, à la condition de vivre conformément à leur état, cléricalitaire, et quand ils étaient mariés, de n'être ni bigamis, ni marchands, ni usuriers. Il suffisait d'ailleurs d'être tonsuré pour jouir du privilège du fort. Et bien des laïcs se faisaient donner par des barbiers couronnes de clercs, dans l'espoir d'être traduit devant les cours d'église où ils trouvaient une procédure plus raisonnable, des juges plus instruits, une répression plus douce et un droit plus complet. D'après deux lettres de Philippe le Bel, écrites vers 1288, il y aurait eu dans le seul royaume de France jusqu'à 10 000 et 20 000 marchands, pour la plupart italiens, agissant ainsi. Au clair, il faut ajouter en second lieu comme justiciables des officialités les veuves, les orphelins, les croisés et les écoliers des universités. Mais ces diverses personnes pouvaient, ce qui était interdit aux clercs, accepter la compétence des cours séculières. Pour elles, le privilège du fort était un véritable privilège, simplement offert. Pour les clercs, à l'idée de privilège se mêlait une idée de discipline. Ratione materiae. La compétence des officialités s'étendait à trois sortes de causes. Premièrement, à toutes les causes spirituelles, c'est-à-dire relatives à la foi, au sacrement, aux vœux, à la discipline ecclésiastique. Deuxièmement, à certaines causes civiles, notamment aux procès qui se rattachaient au mariage, fiançailles, séparation de corps, adultère, légitimité des enfants, aux propriétés ecclésiastiques, bénéfices, aumônes, dîmes, au testament qui jusqu'au XIVe siècle a été généralement un acte plus religieux que civil, enfin aux conventions confirmées par un serment, ce qui offrait aux laïcs un moyen facile d'attribuer d'avance à la juridiction ecclésiastique la connaissance de leur contrat. Troisièmement, à certaines causes criminelles, notamment aux crimes contre la religion, sacrilège, blasphème, sorcellerie, aux crimes commis dans les lieux saints, et enfin à la violation de diverses prohibitions édictées par l'Église, telles que la prohibition du prêt à intérêt ou de diverses institutions spécialement protégées par elle, telles que la paix et la trêve de Dieu. Plusieurs de ces crimes étaient également réprimés par la juridiction laïque et constituaient ce que l'on appelait les délits mixtes ou privilégiés. Pour ces derniers crimes, Il y avait donc à la fois des peines canoniques et des peines séculières. Les peines canoniques, sanctionnées alors par le pouvoir civil, consistaient surtout dans des pénitences plus ou moins longues, dans l'obligation de faire des pèlerinages intra fines ou extra fines regni, à Jérusalem par exemple, dans l'emprisonnement infligé notamment aux hérétiques, dans des amendes consacrées à des œuvres pies, et enfin dans l'excommunication, soit mineure, soit majeure, qui était devenue au XIIIe siècle beaucoup trop fréquente et qui s'appliquait à des catégories entières de délits, sans compter les cas où elle était prononcée abusivement pour des motifs politiques ou des causes futiles. Mais l'Église refusa toujours d'admettre la peine de mort et les mutilations cruelles dont le droit séculier était alors prodigue. C'est le principe que les canons formulaient en ces termes « Ecclesia aboret a sanguine ». Le droit canonique prohibait également l'emploi de la torture pour arracher des aveux aux accusés. Seul un tribunal d'exception, l'Inquisition, dont nous verrons plus loin l'origine, admit dans certaines mesures ce moyen de preuve que l'influence du droit romain avait fait renaître devant les cours laïques, où il devait prendre un développement inouï. Parfois, les peines canoniques pouvaient paraître insuffisantes. L'officialité, après les avoir prononcées, livrait alors le coupable, préalablement dégradé s'il était clair, au juge séculier qui lui infligeait les peines de droit commun. En tel cas, dit Beaumanoir, doit édier le lait justice à Sainte-Église. Car, quand aucun est condamné comme bougre, hérétique, par l'examination de Sainte-Église, Sainte-Église le doit abandonner à le lait justice. Et le justice lait le doit ardoir, brûler, parce que le justice est spirituel ne doit nul lui mettre à mort. Conflit entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction laïque. Les cours d'église et les cours séculières, qui pouvaient, selon les circonstances, être appelés à connaître des mêmes faits et qui devaient s'entraider mutuellement, vécurent en assez bonne intelligence jusqu'au milieu du XIIe siècle. Mais à partir de ce moment, rois et barons trouvent que la compétence des cours d'église est trop étendue, que les excommunications qu'elles prononcent sont trop fréquentes, que les laïcs leur soumettent leur cause avec trop d'empressement, désertant ainsi leur propre justice. Et dès lors, ils commencent contre elles une campagne hostile, tantôt sourde et tantôt ouverte, qui se poursuit pendant tout le XIIIe siècle avec des alternatives de succès et de revers pour la juridiction ecclésiastique, mais qui finit dans les siècles suivants par en amener la décadence progressive. C'est en Angleterre, sous le règne tyrannique de Henri II, Plantagenet, 1154-1189, que le premier conflit grave éclata. Il fut signalé par la réunion de Westminster, par la promulgation des articles de Clarendon, par le meurtre de l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, et enfin par la soumission et la pénitence publique de Henri II. En Allemagne, la lutte contre la juridiction ecclésiastique n'était qu'un épisode de la lutte plus large entre le sacerdoce et l'Empire. En France, au contraire, de Philippe Auguste à Philippe le Bel, elle demeura circonscrite au terrain judiciaire. Pendant tout le XIIIe siècle, on assiste à des coalitions entre barons dirigées spécialement contre les officialités. En 1204 notamment, les seigneurs coalisés se plaignirent au roi que les cours d'église attiraient à elles les causes féodales et leur faisaient perdre ainsi toute justice sur leur fief. Propter hanc occasionem perdebant domini justitiam feodorum suorum. En réponse aux griefs formulés, Philippe Auguste enjoignit aux officialités de ne pas connaître des procès relatifs aux fiefs et aux censives, de ne pas empêcher l'arrestation par les juges séculiers des clercs reconnus par elles-mêmes coupables de crimes et préalablement dégradés, et de ne pas excommunier ceux qui vendraient des denrées le dimanche ou qui auraient avec les juifs des rapports de commerce. En 1210, une nouvelle ordonnance reconnaissait aux juges séculiers le droit d'arrêter les clercs pris en flagrant délit, sauf à les livrer aussitôt à l'official. Enfin, l'agitation ne cessant pas, Philippe Auguste réglementa encore en 1214, pour le bien de la paix entre la royauté et le sacerdoce, et jusqu'au prochain concile, les privilèges des croisés en matière de juridiction. Le prochain concile était celui de Latran, qui en 1215 apporta quelques restrictions à l'abus des excommunications, canon 47, et précisa sur certains points la compétence des officialités. Mais cette compétence n'était pas diminuée, et les laïcs s'obstinaient à préférer les cours de chrétienté aux cours seigneuriales. Aussi, dès 1225, les seigneurs réunis à Melun auprès du roi Louis VIII se plaignirent de nouveau des empiétements des clercs. Cette fois, ce n'était plus des causes féodales, mais des causes mobilières des laïcs qu'il s'agissait. Le roi n'ayant pris aucune décision, les principaux seigneurs de l'Ouest, Hugues de Lusignan, Pierre de Dreux, comte de Bretagne, Amaury de Craon, sénéchal d'Anjou, Savary de Mauléon et plusieurs autres, formèrent une nouvelle conjuration et renouvelèrent leur doléance. Pierre de Dreux, qui mit en toute cette affaire une passion et une âpreté qui lui valurent le surnom de Pierre Mauclair, réunit en outre à Redon les seigneurs de Bretagne et leur fit jurer de ne plus tenir compte des excommunications et de faire tous leurs efforts pour enlever aux cours d'Église la connaissance des questions relatives aux dîmes, aux successions testamentaires, à l'usure et aux conventions confirmées par serment. Les prélats bretons ayant excommunié Pierre Mauclair, celui-ci exila les évêques de Rennes, de Tréguier et de Saint-Brieuc. Honorius III, et surtout Grégoire IX, savant canoniste, ne pouvaient laisser passer de pareilles prétentions sans les condamner. Les bulles de condamnation rencontrèrent naturellement beaucoup d'adhésion parmi les justiciables des seigneurs, mais provoquèrent de la part de ces derniers une vive résistance, qui s'affirma à l'Assemblée de Saint-Denis de 1235, et que Saint-Louis semble avoir partagé dans une certaine mesure. C'est au moins ce que lui reproche Grégoire IX dans une lettre qu'il lui adressa à la suite de la réunion de Saint-Denis. Cette lettre changea-t-elle les dispositions du roi en lui faisant comprendre dès lors la nécessité des concordats, c'est-à-dire des conventions synalagmatiques pour régler les questions litigieuses entre les deux puissances? Ce point est resté obscur. Toujours est-il que pendant 10 ans, le conflit parut assoupi. Ce fut l'empereur d'Allemagne Frédéric II qui le ranima. En 1245, Frédéric II était en pleine guerre avec le pape Innocent IV, qu'il avait forcé de quitter Rome et de se réfugier à Lyon, et de tous côtés il lui cherchait des ennemis. Exploitant habilement l'hostilité des barons français contre les officialités, il leur adressa, en 1245 et 1246, plusieurs lettres où il réclamait leur appui, en se présentant comme le champion du pouvoir séculier contre la juridiction ecclésiastique. Ces excitations répétées finirent par porter leurs fruits. Vers la fin de l'année 1246, les principaux seigneurs français forment une ligue nouvelle qui prétend réduire la compétence des officialités à l'égard des laïcs aux seules causes de mariage, d'usure et d'hérésie. Le procès verbal de la Confédération reproduit l'esprit et les expressions mêmes des lettres de Frédéric II. Les barons français chargent ensuite du soin de les représenter et de poursuivre leurs revendications 4 des plus considérables d'entre eux, Hugues IV, duc de Bourgogne, Pierre Mauclair, Hugues X de Lusignan, comte d'Angoulême, et le comte de Saint-Paul, Hugues de Châtillon, allié particulier de l'empereur d'Allemagne. Frédéric II décidait en même temps les seigneurs anglais à prendre des résolutions analogues. La réponse du pape ne se fit pas attendre. Le 4 janvier 1247, Innocent IV excommunia les confédérés et en outre tous ceux qui d'une façon quelconque entraveraient l'exercice de la juridiction ecclésiastique dans les matières qui, d'après le droit ou la coutume, « de jure vel consuetudine approbata » seraient de sa compétence. Saint-Louis ni ses frères ne prirent aucune part à cette dernière conjuration des seigneurs, bien qu'en 1246 et 1247, le roi eût avec Innocent IV quelques difficultés. Mais Saint-Louis était un esprit à la fois pondéré et prudent, qui savait qu'on obtient plus par la douceur que par la violence. Et grâce à son habileté jointe à la modération du clergé et au désir de conciliation du pape, il réussit, dit Mathieu Paris, a étouffé la conspiration fomentée par Frédéric II. Après la crise de 1247, la lutte cessa d'être générale et ne persista plus que dans certaines régions. Elle durait encore, par exemple, en Champagne et dans le diocèse de Paris en 1252. En 1254, il y eut comme une sorte de recrudescence qui amena de la part du pape de nouvelles condamnations. Les barons y répondirent par des saisies de temporels, l'incarcération des agents subalternes des officialités et même l'impunité laissée aux crimes dirigés contre la personne des clercs. Ces derniers se confédérèrent de leur côté contre les barons et l'anarchie se préparait lorsque Saint-Louis intervint. En 1258, on le voit négocier avec Alexandre IV, en 1268 avec Clément IV, et conclure avec eux de véritables concordats qui produisirent une accalmie. Philippe le Hardi suivit la politique de son père, et sous son règne les conflits furent rares. Le roi de France avait donc réussi, vers la fin du XIIIe siècle, à maintenir un certain équilibre entre les prétentions des clercs et celles des barons. Mais le temps était venu où, se substituant au seigneur, il allait conduire lui-même la lutte contre le pouvoir ecclésiastique. Cette fois, elle allait déborder le terrain judiciaire pour s'étendre sous Philippe le Bel au rapport même des deux puissances. Le droit canon. Formation du Corpus Iuris Canonici. Le droit qu'appliquaient les cours d'Église dans toutes les matières de leurs compétences était le droit canonique ou droit canon, qui formait déjà un ensemble considérable à la fin du XIe siècle, mais qui devait, sous l'influence de plusieurs canonistes éminents tels que Pierre Lombard et Gratien, entrer au XIIe siècle dans une phase particulière de grandeur pour aboutir, avec Grégoire IX, à la codification officielle. À l'époque où nous sommes parvenus, le droit canon était alimenté par trois sources principales. La coutume, acceptée dans l'Église à la condition d'être raisonnable, rationabilis, et conforme aux principes généraux du droit. Les canons des conciles, notamment ceux des conciles œcuméniques, qui deviennent plus fréquents. Enfin, les décrétales des papes, presque innombrables. La coutume formait le droit canonique non écrit, qui n'a jamais eu qu'une importance secondaire. Les décrets émanés des conciles et des papes formaient le droit canonique écrit, celui que les canonistes commentent ou codifient. Le travail de codification des canons conciliaires et des décrétales pontificales avait commencé de bonne heure et suscité déjà de nombreuses collections. À la fin du Ve siècle, la collection de Denis le Petit, au VIIe la Collectio Hispana attribuée à Isidore de Séville, à la fin du VIIIe, le Codex Adrianus, adressé à Charlemagne par le pape Adrien, 774, au milieu du IXe, le pseudo Isidore, au Xe, la collection de Reginaud, abbé de Prume, au XIe, le Decretum de Burchard, évêque de Worms, et la Panormia Dive de Chartres. Tous ces recueils, pour ne citer que les principaux, s'étaient répandus partout et jouissaient encore, au commencement du XIIe siècle, d'une grande célébrité. Ils ne devaient pas tarder à être éclipsés par le Decretum Gratiani. Cette nouvelle compilation, qui fut rédigée entre 1140 et 1150, est due à un moine camaldule de Bologne, nommé Gratien, qui a eu l'intention de faire avant tout œuvre critique. Gratien, en effet, ne s'est pas borné à juxtaposer les canons et les décrétales insérés dans son recueil. Il a cherché à les coordonner, à les disposer dans un ordre plus ou moins méthodique, à les grouper ensemble de façon à présenter sur chaque question un corps de doctrine, et enfin à les concilier lorsqu'ils étaient divergents. Aussi Gratien avait-il donné à son ouvrage ce titre significatif « Concordantia discordantium canonum ». Mais l'usage prévalut de bonne heure d'employer le titre plus court de « Decretum », appliqué déjà à plusieurs compilations du même genre. Le décret de Gratien eut un succès rapide. Dès l'origine, il fut adopté comme base de l'enseignement dans les facultés de droit canon, qu'on appela bientôt les facultés de décret. Il fut ensuite commenté, résumé, glosé par une légion de canonistes auxquels on donna le nom de décrétistes. il devint enfin la première partie du Corpus Iuris Canonici, recueil officiel de droit canon, que nous allons voir se former peu à peu. Pendant 40 ans, aucune collection nouvelle ne vint disputer au décret de Gratien la faveur qu'il avait accueillie. Mais, en présence de la publication ininterrompue de nouveaux canons conciliaires et de nouvelles décrétales, le décret de Gratien devait à bref délai cesser d'être au courant de la législation. Aussi, de 1190 à 1226, parurent successivement 5 collections, dont 2 avaient un caractère officiel, ayant été composées par l'ordre d'Innocent III et d'Honorius III. Ces 5 compilations qui se font suite les unes aux autres comprennent toute la série des décrétales d'Alexandre III à Honorius III, 1159 à 1226, et offrent ce trait particulier qu'elles sont toutes rédigées sur un même plan, imaginé en 1190 par Bernard de Pavie, et indiqué par ce vers latin « iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen ». À l'avènement de Grégoire IX, les 5 compilations étaient étudiées dans les universités, concurremment avec le décret de Gratien et divers autres textes dont l'authenticité pouvait sembler douteuse. Il en résultait un certain désordre dans l'enseignement et aussi dans la pratique judiciaire. Pour faire cesser ce désordre, Grégoire IX résolut dès 1230 de promulguer un recueil officiel et unique de décrétales. Il chargea de ce soin son pénitencier, le dominicain Raymond de Panafort, ancien professeur de droit à Bologne, en l'autorisant à modifier en cas de besoin le texte des décrétales. Raymond de Panafort ne toucha pas au décret de Gratien, mais il fondit ensemble les Quinque Compiliationes et ajouta environ 200 décrétales nouvelles, dont la plupart émanaient de Grégoire IX, et produisit ainsi un recueil d'environ 1500 documents, rangés à la fois par ordre de matière et par ordre chronologique, suivant le plan traditionnel de Bernard de Pavie. Le recueil ainsi composé fut approuvé par Grégoire IX, adressé par lui en 1234 aux universités de Bologne et de Paris, avec ordre de s'en servir in judiciis et scholis, à l'exclusion de tout autre, et inséré plus tard au Corpus Iuris Canonici, dont il forme la 2e partie. Il porte le titre de Decretales Gregorii Noni, titre fort inexact, car il renferme non les seules décrétales de Grégoire IX, mais encore celles de ses prédécesseurs depuis Alexandre III et un certain nombre de canons conciliaires. Grégoire IX avait défendu de publier de nouvelles collections canoniques sans l'autorisation du Saint-Siège. Mais les décrétales pontificales et les décrets des conciles se succédant toujours, on se retrouva bientôt en présence des mêmes difficultés qui avaient motivé la composition de la collection grégorienne. Après quelques péripéties, Boniface VIII, sur la plainte de l'Université de Bologne, 1294, fit rédiger un nouveau recueil, qu'il envoya en 1298 aux universités de Bologne, Paris, Orléans, Toulouse, Salamanque et Padoue. Le recueil de Boniface VIII, 3e partie du Corpus Iuris Canonici, a reçu le nom de Sextus, 6e livre, dénomination encore inexacte, car le Sextus comprend 5 livres, comme le recueil grégorien dont il reproduit jusqu'aux subdivisions. Après le Sextus, parurent les Clémentines, 4e partie du Corpus, publiée par Clément V en 1313, et envoyée d'abord à l'Université d'Orléans, puis rééditée par Jean XXII en 1317 et adressée par lui aux universités de Bologne et Paris. Les Clémentines constituent le dernier recueil officiel qui est paru. Mais vers 1500, un éditeur français nommé Chapuis, en publiant les Clémentines, y ajouta 2 séries de décrétales émanées, les premières de Jean XXII, les autres de divers papes, jusque et y compris Sixte IV, mort en 1484. Ces 2 séries, auxquelles on donna le nom d'Extra Vagantes, parce qu'elles étaient d'abord en dehors des recueils officiels, y furent comprises au XVIe siècle, et devinrent ainsi la 5e et dernière partie du Corpus Iuris Canonici, désormais constituée à l'état définitif. Fin de la section 23.